Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la très difficile relation entre John Diefenbaker et John Fitzgerald Kennedy. I am somewhat encouraged in saying a few words in French from having had a chance to listen to the Prime Minister. Le président américain John Fitzgerald Kennedy, qui déclenche, vous l'avez entendu, un éclat de rire généralisé lors de sa visite officielle à Ottawa en mai 1961, lorsqu'il déclare qu'il se sent tout à coup plus à l'aise de parler en français après avoir entendu le premier ministre canadien John Diefenbaker y aller lui-même de quelques mots dans la langue de Molière. Et vlan, dirait l'autre, petite blague que n'appréciera pas tellement John Diefenbaker, ce qui est tout à fait à l'image de la relation qu'entretiendront les deux hommes, une relation très difficile. Ce voyage est le premier que je fais hors des États-Unis depuis mon élection à la présidence de mon pays, et il est juste que c'est au Canada, le plus ancien de nos voisins et l'un de nos amis les plus chers. Le président américain John Fitzgerald Kennedy en visite officielle à Ottawa le 17 mai 1961 pour nous décrire cette relation très difficile entre John Diefenbaker et John Fitzgerald Kennedy. L'historien professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. On va revenir, Éric, sur cette visite officielle de 1961 dans un instant. Mais d'abord, un mot pour décrire le fossé énorme qui sépare les deux hommes, John Kennedy et John Diefenbaker, sur le plan de leur parcours respectif, sur le plan de leur personnalité. Ces deux hommes-là ne pouvaient pas être plus différents. On est vraiment face à deux personnalités complètement différentes et c'était écrit dans le ciel que les deux n'allaient pas pouvoir bien travailler ensemble, bien collaborer. Le premier, d'abord, John Fitzgerald Kennedy était dans la quarantaine lorsqu'il était. Ils sont tous les deux donc d'une autre génération. Les références aux guerres du premier sont celles de la deuxième guerre, alors que pour John Diefenbaker, c'était la première guerre. Il avait d'ailleurs tenté de servir, mais pour des raisons de maladie, il est revenu précipitamment au Canada. Le premier était issu, évidemment, on le sait, d'un milieu extrêmement aisé. Son père, paraît-il, aurait dit « Avec tout l'argent que j'ai mis sur mon fils, je pourrais faire élire mon chauffeur. » C'était un homme extrêmement riche, un ancien ambassadeur. Alors que le deuxième, John Diefenbaker, issu d'un milieu populaire, son père avait été instituteur, avait été commis pour fonctionnaire pour le gouvernement de la Saskatchewan. Sa famille avait beaucoup bougé pour finalement s'installer à Saskatoon. Il a été au départ formation en droit. Il a été un avocat des plus démunis, des plus petits, alors que les Kennedy passaient pour être une famille des grandes familles patriciennes de la côte est américaine. Donc, clivage social. Deux personnalités aussi, évidemment, extrêmement différentes. Le Golden Boy, John Kennedy, le sourire sympathique, la confiance, certitude d'être à sa place au sommet, alors que le second avait une espèce de dégageait une austérité, il y avait quelque chose de froid, une sorte d'inquiétude tragique en permanence qu'on voyait dans son regard. Quelqu'un qui pouvait vite être froissé parce que, justement, comme tous ceux qui sont d'origine modeste, face à des gens qui ont eu un peu la voie plus facile, parfois des ressentiments, parfois des complexes d'infériorité. Ouais. Donc, vraiment des milieux complètement différents. Et ça va plus loin encore, même dans leur vision du monde, parce qu'indépendamment de ces questions de style, de personnalité, d'origine, les deux hommes ont des visions du monde totalement opposées, Éric Bédard. John Kennedy, on le sait, on a dit qu'il a inauguré l'ère des présidences impériales. Évidemment, les États-Unis étaient sur une lancée sur le plan économique absolument sans précédent. C'était le cœur des 30 glorieuses qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Une puissance militaire énorme, une influence déterminante aux quatre coins de la planète. Le jeune Kennedy parlait même d'une nouvelle frontière. Il avait lancé dans ses discours cette idée d'aller même conquérir la Lune. Donc, il n'y avait aucune limite. Et face à ça, ben, vous avez un John Diefenbaker qui s'est toujours considéré comme le fidèle héritier de John A. Macdonald, c'est-à-dire un authentique conservateur qui était attaché à la grandeur de l'Empire britannique. Et le Canada était l'un des plus beaux fleurons de cet empire. Alors, d'une certaine façon, on y reviendra, mais le Canada, c'était c'était l'anti-États-Unis. Ouais. Le Canada, c'était la présence en Amérique d'un pays qui n'avait jamais souscrit aux valeurs républicaines, qui était resté fidèle à ses origines. Alors, on a là aussi deux perspectives complètement différentes. La relation, on va parler de la visite de 61 dans un instant, mais avant même cette visite, la relation, le début de la relation officielle entre les deux hommes commence aussi très mal, Éric. Très mal, parce que quand John Kennedy est élu, la courtoisie, le premier ministre du Canada, comme tous les autres chefs d'État ou premier ministre, chef de gouvernement ailleurs, envoie une lettre pour le féliciter pour sa victoire. Or, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et il a fallu que l'ambassadeur du Canada à Washington demande aux autorités américaines s'ils avaient bien reçu la lettre. C'est la façon polie de dire « Youhou, on vous a écrit un mot ». Et là, après cette intervention, eh bien oui, le président Kennedy a réagi, mais ça a vexé John Diefenbaker. Ça partait mal. Et d'autant que cette grande différence entre les deux hommes dont vous parliez d'emblée, avant même de rencontrer Kennedy, Diefenbaker a ses réserves. Pour lui, c'est quelqu'un de la côte Est, un privilégié qui l'a eu facile, etc. Fils de bonne famille. Voilà. Arrive la rencontre de 61, première visite officielle du président Kennedy à Ottawa. Là, Éric Bédard, tout va mal. On ne peut pas imaginer pire scénario. Ça se passe le 16 mai 1961. On a entendu l'extrait au début. Donc John Kennedy fait sa première visite officielle, comme c'est souvent la tradition, en dehors des États-Unis, vient au Canada. Or, premier problème, première vexation, le français. Ouais. Mais il y a le président Kennedy qui parle français, mais il y a aussi sa femme qui parlait un très bon français, comme on sait, Jackie Kennedy. Et ça, évidemment, ça renvoie au problème qu'a toujours eu John Diefenbaker avec cette langue. Deuxième problème, mais là, ça pouvait pas être prévu par personne. On plante un arbre, il y a une petite cérémonie autour d'un arbre, et John Kennedy se blesse le dos. Et c'est une vieille blessure de la Seconde Guerre mondiale qu'il va ensuite traîner après avoir pelleter un peu de terre, là, il va traîner cette blessure pendant des mois et à chaque fois qu'il aura mal au dos, ça va lui rappeler cet épisode. Parce que Diefenbaker, qui est un gaillard, lui, il va franchement d'une bonne pelletée. Exactement. Kennedy limite, mais oups, ça coince. Ouais. Ça coince. Bon, ensuite, autre vexation, c'est quand il y a un souper qui est organisé à l'ambassade américaine à Ottawa et on invite évidemment le chef de l'opposition officielle à Ottawa, qui est Lester B. Pearson, qui jouit d'une sorte de prestige, de d'aura. Il a été l'ancien ministre des Affaires étrangères, mais il a été aussi prix Nobel de la paix à la suite de la crise de Suez. Il est l'un de ceux qui a pensé avec d'autres hauts fonctionnaires l'OTAN et qui a servi d'intermédiaire entre l'Europe et les États-Unis. Ouais. Alors, c'est à lui que parle beaucoup John Kennedy. C'est vers lui que les représentants du département d'État sont tournés et ça vexe encore une fois John Diefenbaker. Donc, tout se passe mal ce 16 mai 1961. La langue française mal parlée, un mal de dos, mais ça, il ne sait pas sur le coup. Et ensuite, plus d'intérêt pour le chef de l'opposition. Et puis, sur le fond, ça va pas mieux, parce qu'il y a évidemment, dans ces visites officielles, la fameuse rencontre, le tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Ils discutent de dossiers de fond, justement. Et là aussi, ils sont en opposition sur plusieurs questions. Qu'est-ce qui les oppose, Éric? Alors, il y a... parmi les points qui sont discutés entre les deux hommes le 16 mai 1961, il y a la question des dépenses canadiennes pour les pays du tiers-monde. Les États-Unis demandent au Canada de faire un peu plus d'efforts. Ensuite, il y a cette participation plus étroite à l'Organisation des États américains. Là aussi, les États-Unis souhaitent que le Canada finance davantage l'organisation, participe davantage. Et il y a aussi, c'est le tout début, là. Vous savez, les Américains qui commencent à envoyer des conseillers, on met entre guillemets, au Vietnam. Alors, là aussi, on a des demandes. Diefenbaker, là-dessus, est assez d'accord, parce que c'est un anticommuniste plutôt robuste. Mais sur les deux autres points, là, il y a un certain froid. Oui. Et en fait, il veut pas du tout... pour ce qui est de l'Organisation des États américains, il est très, très tiède, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Ce qui rajoute au problème, c'est que la rencontre a lieu, Kennedy et son équipe partent, retournent à Washington. Diefenbaker, c'est quand même incroyable, quand la petite histoire a une signification importante, découvre une note diplomatique que Kennedy a oubliée dans le bureau de Diefenbaker. Ça va avoir l'effet d'une douche froide. Pourquoi? Alors, d'abord, c'est normal que lorsqu'un chef d'État, un chef de gouvernement se présente à une rencontre, il a ses notes de briefage ou ses briefing notes et dans lesquelles on aide le président, le chef de gouvernement à enligner la discussion. Hein, c'est bon. Alors le problème, c'est que sur cette fameuse note, d'abord que John Kennedy a la maladresse d'oublier à son départ, il est écrit What we want from Ottawa. Donc, c'est vraiment le président qui vient à Ottawa et qui dit « voilà ce qu'on veut ». La formulation indispose... Ça Stephen Baker, qui est un autonomiste, on l'a vu, là, c'est un nationaliste canadien. Exactement, ça l'indispose beaucoup. Mais ce qu'il y a de pire, c'est qu'en marge de cette note, il y a SOB, écrit à la main. SOB, donc, vous savez, par Kennedy. Qui est visiblement écrit par Kennedy. C'est une note du Département d'État. Et donc, ça témoigne du peu d'égard qu'a le président américain. Parce que SOB, il faut le dire, tout le monde ne le sait pas. Ça veut dire « son of a bitch ». Oui. Donc, voilà, je vous passe la traduction. Et merci. Et ça signale donc que le peu d'égard qu'a John Kennedy pour son vis-à-vis canadien. Alors là, ça indispose à ce point Diefenbaker qu'il menace, tout ça évidemment derrière les caméras, mais il menace de rendre cette note publique, ouais. et pour dire à quel point le Canada est froissé par cette attitude de où on veut que le Canada fasse ceci ou cela, et en plus on lui manque d'égard à son chef de gouvernement. Mais sur le fond des choses, Éric Bédard, au fond, il y a devant nous un homme, John Diefenbaker, qui est vraiment un nationaliste canadien, qui veut garder son indépendance face à Washington. Et ça, c'est pas nouveau dans l'histoire des relations entre le Canada et les États-Unis. On va y revenir dans un instant, mais d'abord un petit montage d'archives à ce sujet. Vous allez entendre d'abord l'ambassadeur canadien aux États-Unis de 1962 à 1966, Charles Ritchie, suivi d'un extrait de John Diefenbaker et ensuite du commentaire du journaliste Jean-Pierre Fournier. Diefenbaker ne tolérait pas qu'on le bouscule et qu'on exerce des pressions sur lui. Aujourd'hui, quand nous pensons à Kennedy, nous avons tendance à voir en lui l'incarnation d'une sorte de libéralisme perdu ou quelque chose du genre. Mais qu'est-ce qu'il a exigé de Diefenbaker quand il est venu? D'abord, qu'on mette fin à nos relations avec Cuba. Ensuite, qu'on cesse tout commerce avec la Chine. Quand les États-Unis ont voté une loi pour empêcher les chargeurs construits par des filiales américaines au Canada de servir au transport de notre blé en Chine, je n'étais pas d'accord. Nous ne sommes pas encore un État de l'Union. Nous déterminons nous-mêmes notre politique. Je pense que le trait dominant de la politique extérieure de Diefenbaker, c'est que, pour la première fois depuis fort longtemps, un gouvernement canadien a affirmé l'indépendance du Canada vis-à-vis des États-Unis. Il l'a affirmé dans la mesure où, je crois, c'était possible sans affirmer l'essor économique du Canada. Alors, ce nationalisme canadien un peu anti-américain, au fond, c'est ça, Éric Bédard, c'est pas nouveau, ça, dans l'histoire des relations entre le Canada et les États-Unis. Diefenbaker s'inscrit dans une longue tradition, au fond. Oui, c'est une très longue tradition, et au fond, le Canada, le Dominion canadien, s'est beaucoup construit contre les États-Unis. Alors, si on revient à l'origine, ben, ceux qui vont créer l'Ontario et le Canada anglais, ce sont qui? Ben, ce sont les 10 000 loyalistes américains. C'était des Américains qui fuyaient les États-Unis puisqu'ils ne voulaient pas vivre dans un pays où il y avait la République, ouais. Où on rompait les liens avec la mère patrie. En 1812, il y a une tentative d'invasion américaine qui est repoussée par ces loyalistes du Canada. Et on a vu qu'encore aujourd'hui, ça a un certain écho dans l'imaginaire du Canada anglais, que cette résistance à l'invasion américaine. En 1837-38, ceux qui souhaitent des réformes souvent s'inspirent du modèle américain ou s'inspirent de l'idéologie de la République. Ouais. Or, ceux qui vont réprimer ces rébellions sont des loyalistes, ce sont d'authentiques loyalistes. On pourrait continuer. L'acte de l'Amérique du Nord en 1867, on va répéter ad nauseam que si on veut une fédération centralisée, c'est qu'on ne veut pas ce qui se passe au Sud. Et au Sud, c'est la guerre civile. Ce sont des États qui ont trop de pouvoir versus un gouvernement central qui n'en a pas assez. Et on répète ad nauseam que le Canada, ce n'est justement pas la République des États-Unis. En 1879, la politique nationale, c'est une volonté. De John McDonald, on ferme les frontières et on veut créer un marché Est-Ouest. Donc, il y a dans toute l'histoire canadienne cette espèce d'idée que être Canadien, ce n'est pas être Américain. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, la fierté qu'ont encore aujourd'hui beaucoup de Canadiens anglais par rapport au système de santé, c'est justement une façon de se distinguer oui. des Américains. Par nos institutions aussi. Par nos institutions, par nos politiques sociales. Voilà. Arrive la crise des missiles de Cuba en 62, qui va constituer une espèce de point culminant dans cette relation déjà très tendue entre John Diefenbaker et John Fitzgerald Kennedy. Good evening, my fellow citizens. This government has promised. Chers concitoyens, mon gouvernement s'est engagé à être vigilant sur la question de la présence militaire soviétique à Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact. Les derniers jours nous ont permis de constater la présence à Cuba d'installations destinées à accueillir des missiles dont l'objectif ne peut être que de permettre une attaque nucléaire contre le bloc de l'Ouest. Can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. La première réaction d'Ottawa devant le geste américain a été composée de surprise et d'hésitation. La surprise s'explique par le fait que le gouvernement canadien, comme les autres du monde libre, n'a été avisé qu'en dernière heure quant à la nature de la déclaration que devait faire le président Kennedy lundi dernier. Le premier ministre a affirmé que le Canada ne ménagerait aucun effort diplomatique pour empêcher que la crise ne dégénère en conflit. M. Diefenbaker a lui-même suggéré l'idée d'une commission composé de nations non engagées, qui se rendraient sur place vérifier le caractère offensif ou défensif des bases cubaines. Alors, sur cette crise des missiles de 62, on entendait le président Kennedy d'abord, suivi du journaliste à Ottawa, François Morisset. Que se passe-t-il, Éric Bédard? En quoi c'est important dans cette relation tendue entre les deux hommes, la crise de 62? Déjà, le 16 mai 1961, la discussion avait eu lieu entre les deux chefs de gouvernement, c'est-à-dire Kennedy demandait au Canada qu'on puisse installer sur le sol canadien des missiles à tête nucléaire. La réaction de Diefenbaker était extrêmement froide, puisque là, si on installait des missiles américains à tête nucléaire sur le territoire canadien, c'est comme si on annexait un peu symboliquement le Canada. Même s'il y avait NORAD, hein, on avait une entente depuis 1957 pour défendre ensemble le territoire nord-américain, mais ça gênait énormément le gouvernement conservateur. Sauf que là, avec la crise des missiles de Cuba, tout ça devient très concret dans un contexte de guerre froide où il y a beaucoup de tensions. Et là, ce qu'on découvre, c'est que les missiles stockés à Cuba ont une portée suffisante pour atteindre plusieurs villes américaines et même certaines villes canadiennes, notamment Ottawa, Toronto, Montréal. Donc, on a entendu la conférence de presse très spectaculaire et médiatisée de Kennedy du 21 octobre 62, où on annonce que Cuba, là c'est clair, il y a des missiles, il y a des bases, tout ça avec le concours de l'Union soviétique. Évidemment, tous les pays occidentaux vont être solidaires des États-Unis. On est dans un contexte de guerre froide, mais tous sauf un. Le Canada de John Diefenbaker est le seul pays qui ne montre pas une solidarité sans faille aux États-Unis dans les moments qui vont suivre cette conférence de presse. Comme ça a été dit, Diefenbaker, donc, dans son discours à la Chambre des communes, veut une inspection indépendante de la situation qui prévaudrait à Cuba. Alors, évidemment, pour les Américains, c'est une sorte d'aveu qu'on ne fait pas confiance, qu'on se méfie. Mm-hmm. Ça montre la méfiance qu'a Diefenbaker des Américains et du gouvernement Kennedy. Et ça va être un point tournant. Ça n'empêchera pas, petite parenthèse, les deux états-majors canadiens et américains de travailler ensemble dans ce dossier-là, mais ce sera un point tournant, cette crise des missiles. Et à partir de ce moment-là, l'administration Kennedy, déjà vous nous disiez, Éric Bédard, il y a quelques minutes, qu'il avait beaucoup fraternisé John Kennedy avec Lester B. Pearson lors d'un dîner officiel à Ottawa en 61. La crise des missiles va vraiment conduire l'administration Kennedy à courtiser ouvertement Lester B. Pearson. Comment ça va se faire, ce rapprochement? Ben, ça va se faire de façon un peu insidieuse cachée. Parce que ça devient un enjeu de politique interne canadienne. Alors, d'un côté, vous avez finalement les nationalistes ou les pacifistes qui sont alliés du même côté, qui refusent. Là, on quitte la question des missiles de Cuba parce que ça crée une rupture dans la confiance. Donc, par rapport aux missiles à tête nucléaire qu'on doit ou non disposer sur le territoire canadien. Donc, vous avez d'un côté les pacifistes et les nationalistes qui disent il n'y en est pas question, mais pour des raisons un peu distinctes. Et de l'autre, ben, vous avez ceux qui disent, écoutez, on est dans un peu par pragmatisme. Et Lest B. Pearson va aller du côté d'un certain pragmatisme, au point où le département d'État, lorsque le gouvernement de Diefenbaker va être battu en janvier 63, ça sera le thème de la campagne. Et il y aura un communiqué qui sera émis le 30 janvier 63 du département d'État où on va assurer, américain, qui va assurer que la présence de missiles sur le territoire canadien ne fait pas pour autant du Canada un membre du club nucléaire. C'est ça un peu l'enjeu avec les pacifistes. Alors, évidemment, Diefenbaker va y voir encore là une intervention dans la politique canadienne, une entorse donc au respect là, des débats qui doivent avoir cours au Canada, et il va faire de la surenchère durant sa campagne sur cet enjeu. Ça va être un des thèmes principaux de la campagne. Au fond, les Américains vont réussir à faire bouger Pearson, qui au départ ne veut pas non plus de ces missiles à tête nucléaire. Non, en effet. Mais ils vont réussir à l'amener à cette position plus pragmatique. Oui. Et ça va faire partie, cette question-là, entre autres, ce sera une des questions importantes de la campagne de 63, avec les résultats qu'on sait, défaite du gouvernement de John Diefenbaker. Défaite, mais c'est un gouvernement qui était complètement en décomposition. John Diefenbaker gouvernait beaucoup tout seul et ça n'allait vraiment pas bien pour lui. Mais il a fait une campagne extrêmement solide malgré tout. Ouais. Il a fait une campagne de croisée, là, le défenseur de la souveraineté canadienne, une campagne nationaliste. Et ce qui fait qu'il a, il a quand même conservé de nombreux sièges et que le gouvernement élu du côté libéral a été minoritaire. Un petit mot en terminant, Éric, sur ce qui suivra. Il y a d'abord un phénomène un peu contradictoire. Sur le plan économique, les années qui suivent jusqu'à aujourd'hui vont consacrer un rapprochement des deux pays, Canada et États-Unis, sur le plan économique. Mais sur le plan de la politique étrangère, à quelques occasions, on assistera dans les années qui suivent à de fortes périodes de tension. Oui. Il faut voir qu'il y avait une sorte d'anachronisme aussi dans l'attitude de Diefenbaker par rapport aux États-Unis. Ne serait-ce qu'au plan économique. En 1914, le capital étranger est britannique à 72 %. En 1930, il est américain, le capital étranger, à 61 %. Donc, les États-Unis sont devenus un partenaire économique de premier plan. Et ce qui va mener peu à peu à tous ces débats sur le libre-échange qui ont culminé en 1988, donc avec la ratification de cet accord de libre-échange par des conservateurs. Ça montre à quel point, à l'intérieur même du Parti conservateur, il y a eu un revirement sur cet enjeu. Et avant Diefenbaker, lorsqu'il y avait un débat amené sur la réciprocité ou l'union commerciale entre les deux pays, ça venait toujours des libéraux. Laurier a essayé, d'autres, et c'était toujours vu comme une forme de trahison. On dénonçait cette trahison. Et sur le plan international, bien là, vous avez un nouveau contexte. C'est le contexte de la guerre froide. C'est le contexte aussi où on a eu deux guerres mondiales où les États-Unis ont été un allié indispensable de la Grande-Bretagne sur les champs de bataille. Donc, ça rapproche dans les tranchées. Et ce rapprochement était écrit dans le ciel. Éric Bédard, historien à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.